On s'est vu un samedi soir. Elle habitait juste en bas de chez moi. Moi de bas je ne m'attache pas. Mais cette fois j'avoue que je suis tombée dedans. Elle est trop sexy, elle a trop de charme. Elle est trop fraîche, y'en a pas deux comme ça. Non, les autres femmes ne font pas le poids. Toutes les autres femmes veulent devenir comme toi. Ma chérie jusqu'au bout, viens m'accompagner, on fera le tour du mundo. Ma chérie jusqu'au bout, tu seras ma femme jusqu'à la fin du mundo. Et si je dois chanter tous les soirs, je te chanterai, toi t'as un truc en plus. Et si je dois crier sur les toits, je te crierai, toi t'as un truc en plus. Oh ma chérie, what you gonna be my chérie? Woman, oh ma chérie, what you gonna be my chérie? Est-ce que c'est un sort ou c'est de la magie? Tu me rends fou, faut que je voie un psy. Tu lis dans mes yeux, je peux pas te mentir. Moi pour te dire je t'aime, j'ai un million d'inspi. J'ai que des principes, sans mes principes. Donc y'a pas de galère, on ne se lâche pas. Reste à côté de moi, j'aime pas la distance. Et puis c'est parce que je t'aime que je serai insistant. Quand je dis ouh, ouh, ouh, c'est toi et moi. Et puis le reste on ne calcule pas. Y'a plus aucun doute, tu seras ma femme jusqu'à la fin du mundo. Et si je dois chanter tous les soirs, je te chanterai, toi t'as un truc en plus. Et si je dois crier sur les toits, je te crierai, toi t'as un truc en plus. Oh ma chérie, what you gonna be my chérie? Woman, oh ma chérie, what you gonna be my chérie? On s'est vu un samedi soir. À la base je ne m'attache pas. On s'est revu un lundi soir, puis un mardi soir, un jeudi soir et un... Bref, on s'est revu jusqu'à la fin de la vie.